Les petites histoires de Tell Me. L'étrange tour, chapitre 1. Quand tu habites au 10e étage sans ascenseur et que tu te trimbales chaque jour un cartable qui pèse un âne mort, tu te dis que ta vie est nulle. Moi, je ne me plains pas. Enfin, si, un peu. Surtout quand il fait super chaud. Dans la cage d'escalier, j'ai l'impression d'être un toast en train de griller. Bref, je me plains. Mais pas beaucoup. Parce que depuis ma chambre, j'ai une vue incroyable sur le ciel. Je ne vois que lui. Enfin, pas que lui. Dans un coin de ma fenêtre, une tour se dresse. Haute, de 40 étages, tout en béton, vert et métal, légèrement vrillée sur elle-même, scintillante. Elle contraste avec les bâtiments rigides et gris du reste de la ville. Les balcons, chargés de plantes et de fleurs, ressemblent à des grappes luxuriantes. Mais le plus incroyable, c'est son toit. Recouvert d'un jardin immense aux allures de forêt, qui abrite un imposant dôme de pierre. Robin, tu crois qu'il y a quoi là-haut ? Un appart de milliardaire ? Moi, je pense que c'est un observatoire. En pleine ville ? Va falloir te mettre à jour, Luna. Les observatoires, c'est dans des lieux isolés. Tu dois vivre dans un dôme ? Quand tu as de l'argent, tu peux tout faire. Et puis moi, je veux bien vivre dans les nuages, entouré par une forêt, même dans une tente. Vu comme ça, n'empêche, je suis sûre que c'est plus qu'un simple appartement. Un appartement dôme, entouré d'une mini-forêt ? Au-dessus de la ville ? Bien sûr que c'est plus qu'un simple appartement. Très drôle. J'ai pas raison ? Attends, c'est quoi ce sourire en coin ? Faut qu'on y aille. T'es pas sérieuse, là ? Laisse-moi prendre mon sac, mon carnet, une lampe. Ok, t'es sérieuse. Voilà, je suis prête. Tu crois qu'ils vont nous laisser entrer ? C'est pas une médiathèque. C'est une tour privée avec un portier, un concierge et peut-être même des gardes du corps capables de tuer d'un simple regard. Pape, on va faire un tour au parc. D'accord, prends ton téléphone et ne rentre pas trop tard. Alors que je dévale l'escalier, Robin grogne à chaque marche et marmonne à chaque palier qu'il va rentrer chez lui. 15 minutes plus tard, nous voilà au pied de la tour. J'ai le vertige rien qu'en essayant d'apercevoir le sommet. Robin, lui, a les yeux fixés sur l'entrée et se tortille les doigts. Sous un auvent, planté juste à côté de la porte, un petit portier moustachu monte la garde. Tu vois, je te l'avais dit, on pourra pas rentrer. Laisse-moi réfléchir, je suis sûre qu'il y a moyen. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir bien longtemps. Quelques secondes plus tard, une voiture se gare devant l'immeuble. Un chauffeur sort pour ouvrir la portière et se met au garde-à-vous. Aussitôt, le portier ouvre la porte d'entrée de la tour. Et d'un coup, une grosse dame vêtue d'une robe qui donne l'impression qu'elle est habillée d'un nuage surgit en trottinant. Elle est suivie d'un mini-chien et d'un groom surchargé de valises. Les pieds du pauvre garçon s'en mêlent, les valises volent, la femme crie. Le chauffeur et le portier volent à son secours. C'est la panique. Quelle chance ! Sans attendre, je me faufile, traînant Robin derrière moi. Le hall d'entrée tranche avec l'extérieur du bâtiment. Il est froid, austère et sans vie. On entendrait une mouche lâcher un paix. Au centre de la pièce, un vieux comptoir en bois. Sur le côté, deux énormes ascenseurs surmontés chacun d'une flèche qui indique l'étage où ils se trouvent. Tu vois, c'était facile. C'est pas ça. Dans les films, quand on dit ça, ça finit mal. Tu vois le mal par... Vous cherchez quelque chose, les enfants ? Glacés par la peur, la tête rentrée dans les épaules, on se tourne lentement. Un monsieur très grand, au crâne dégarni et aux tempes grisonnantes, nous fixe. Les yeux mi-clos, comme s'il nous passait au rayon X. On voulait juste visiter ? Visiter ? Oui. Le maître veut qu'on fasse un exposé sur un monument de la ville. On s'est dit que la tour était un sujet idéal. Je n'en reviens pas. Robin ment. C'est une première. Et quelle première ? Du génie ! Voyez-vous ça ? Je dégaine mon regard de petite fille modèle pour achever de le convaincre. Pourriez-vous nous faire le plaisir de répondre à quelques questions ? Ma foi, pourquoi pas ? Suivez-moi, je vous prie. Alors qu'il passe devant nous, l'ascenseur s'ouvre. Un homme en costume gris surgit hurlant au téléphone. Cela ne perturbe pas le concierge qui se dirige vers son comptoir. Je saisis le bras de Robin pour foncer vers l'ascenseur. Le concierge s'en rend compte, mais trop tard. Je saute pour appuyer sur le 40e étage. Les portes se referment. Le concierge tambourine juste avant que l'ascenseur ne commence son ascension. Vous voulez connaître la suite ? Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Taous de nous avoir inspiré cette histoire avec l'une de ses photos. Vous avez une envie d'histoire ? Demandez à vos parents de nous la raconter sur Facebook ou par mail. À la semaine prochaine !